France Info. C'est une tendance lourde de cette fin d'année et du reconfinement, la déprime qui touche de plus en plus de Français. Phénomène qui va du simple ras-le-bol au bout d'une année particulièrement usante à des dépressions beaucoup plus profondes liées à l'isolement, au stress, à la peur du virus, à la peur de l'avenir aussi. Selon Santé publique France, le taux d'état dépressif est actuellement supérieur à 20%. Cela veut dire qu'un Français sur cinq, au moins, est aujourd'hui touché par cette forme de dépression. Et avant d'en parler avec notre invité, quelques témoignages de ces difficultés avec ces habitants de la région de Lyon, rencontrés par Christophe Vincent. Au pied des tours de 15 étages du quartier de Ménival, des retraités promènent leurs chiens et leur tristesse. Ça va pas du tout, moi. Faudrait que ça se termine, quoi. J'ai des médicaments avec le diabète. J'ai des comprimés le matin et le soir. Et en plus, j'en prends pour dormir. Il y a beaucoup de familles qui sont touchées par le Covid. Moi, hier, j'ai appris un décès d'un proche. C'est pas évident à vivre. Hein. Pour dormir, c'est pas toujours facile. Hein. Ça va pas trop. On a l'impression que ça va pas en finir. On se dit qu'on est dans un moment de... comme une année de merde, hein, comme on dit franchement. Dans une pharmacie du 5e arrondissement, les ventes d'antidépresseurs sur ordonnance restent stables, mais les clients achètent plus de somnifères et de médicaments anti-stress. Arthur, pharmacien. Le climat global fait que les gens réfléchissent un peu, c'est un peu anxiogène, etc. Le télétravail ou le plus de travail, hein, tout simplement, malheureusement. L'inactivité, le sport, c'est devenu compliqué aussi, donc... Sédentarité, c'est pas bon pour plein de choses, et notamment pour le sommeil. Du stress, de l'anxiété, nous on le voit aussi sur un peu le comportement globalement des gens, comme on doit réguler un peu les flux, filtrer, tout ça. Donc c'est un peu fatigant pour tout le monde. De la lassitude un peu, voilà. Jean-Philippe va bien, son travail l'occupe à plein temps, mais il s'inquiète pour les autres. J'ai une activité qui est considérée comme essentielle, tant mieux pour moi. Ce que je crains par-dessus tout, c'est les conséquences. Pour ceux qui sont considérés comme non essentiels, par exemple les restaurants, je crains qu'effectivement la date qui va être repoussée concernant leur réouverture puisse avoir des conséquences dramatiques sur déjà leur capacité à réouvrir et ensuite sur leur état de santé mentale. Tous les Lyonnais ne sont pas déprimés. Je bosse chez moi, j'ai Netflix, dit une jeune femme, c'est le bonheur. Reportage signé Christophe Vincent. Jean-Claude Dolgen est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Merci d'être avec nous, fondateur et président du cabinet Technologia, spécialisé dans l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Vous avez l'habitude de travailler hein, sur ce mal-être dans le cadre du travail. Ça le dépasse largement aujourd'hui. Je rappelle simplement ces deux chiffres parce qu'ils sont assez édifiants. Santé publique France qui parle de plus de 20% de Français touchés par un phénomène dépressif. Et selon un baromètre réalisé fin octobre dans le monde du travail, un salarié sur deux qui serait aujourd'hui dans un état de détresse psychologique. C'est énorme. Oui, on a une situation, si vous voulez, qu'il faut absolument bien comprendre. Au cours des 15 dernières années, on a assisté dans nos sociétés à une accélération très importante des rythmes sociaux, des rythmes de travail, avec en particulier la généralisation des smartphones. Donc, le virus a fait infraction dans nos vies et globalement a déstabilisé par ce qu'on appelle une dysrythmie sociale, une désynchronisation sociale. Chacun d'entre nous a ses propres rythmes et se cale sur des rythmes collectifs. Eh bien ça a été perdu. Ce qui fait qu'un grand nombre de personnes se retrouvent aujourd'hui sans repère, perdent leur routine et se trouvent dans des situations vraiment difficiles, sur le plan professionnel comme sur le plan familial. Alors ça donne lieu à un isolement, bien entendu. L'isolement, le repli sur soi, on l'a entendu dans les personnes qui ont parlé juste avant, ça aboutit au fait que les gens ne peuvent pas se ressourcer émotionnellement, ne pas voir leurs proches, ne pas pouvoir profiter de la vie. Il y a aussi, comme ça a été dit, l'angoisse par rapport au devenir de cette pandémie. Parce que le problème qu'il y a dans cette pandémie, c'est qu'on pensait qu'elle était conjoncturelle, qu'on allait la régler au printemps. Et là, en fait, on voit qu'elle dure et que les perspectives sont encore lointaines. Et donc ça génère un stress supplémentaire et de l'anxiété supplémentaire. Et quand on voit les catastrophes, nous, on travaille dans certains secteurs, c'est effectivement très difficile. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens n'y croient plus. Ils pensent qu'ils vont soit perdre leur job, soit perdre leur activité pour les indépendants, pour les chefs d'entreprise. Et c'est, en fait, on a remplacé du chiffre d'affaires par de l'endettement. Mais quand on va arrêter les comptes en février, mars, parce qu'il faudra bien les arrêter à un moment donné, il va y avoir une flambée énorme de, je dirais, de dépôt de bilan. Donc les gens, ils sont très conscients de cela. Et en l'occurrence, juste simplement pour terminer sur le constat, ce qui est frappant, c'est à quel point ça touche toutes les franges de la société. On entendait ici des personnes âgées, des retraités, vous évoquez des salariés, on peut penser aux parents qui ont vécu une année très difficile, le stress pour les enfants, avoir passé des semaines d'école à la maison. On pense évidemment aux jeunes pour qui l'année est bien particulière, on ne voit pas forcément les copains. C'est un problème aussi pour les relations amoureuses. On ne voit pas d'éclaircies dans tout ça. Absolument. Le manque de perspective est très déstabilisant. C'est la première fois. Il n'y a pas d'horizon. Voilà, absolument. L'horizon est en fait, je dirais, assez pour l'instant encore incertain. Et c'est ça qui est aussi très angoissant. Si vous rajoutez au fait que la pandémie, le confinement, ont rajouté aux inégalités qui étaient préexistantes. Vous voyez, dans les familles, par exemple, vous deviez travailler en télétravail avec parfois un ordinateur pour le couple, plus les enfants qui étaient là au mois de mars. Et donc, il y a eu des tensions qui sont apparues. On a vu beaucoup de tensions familiales, y compris envers les femmes, qui sont apparues parce que les gens sont agressifs, les gens sont mal, ils dorment mal, ils mangent mal. Vous voyez, donc, on est dans une situation difficile. Et ce dont vous parliez sur, justement, à la fois sur le manque d'horizon et sur la difficulté face à ces situations très diverses, c'est qu'il n'y a pas d'exutoire. Personne ne peut relâcher la pression à un moment donné. Ce qu'on peut faire d'habitude, je ne sais pas, par des loisirs, une activité sportive ou autre, peu importe. Tout à fait. C'était dit d'ailleurs dans votre reportage tout à l'heure. Il n'y a plus la possibilité d'aller au cinéma, au théâtre, de faire du sport. Donc tout est restreint, tout est contraint. Et l'individu, en fait, dans son être propre, a besoin de liberté, de choix, d'aller venir, d'avoir des activités diverses. Et puis, ça, on ne l'a pas dit, mais il faut bien comprendre que l'individu est un animal social avant tout, relié aux autres. Et donc, quand le lien d'appartenance à la société se disloque comme on l'a aujourd'hui, c'est malheureusement très favorable à des passages à l'acte suicidaire. Et sans doute que le fait aussi de ne pas avoir d'exutoire fait que l'on rumine davantage les difficultés qu'on baigne dedans. Un mot aussi de la difficulté de ce virus, me semble-t-il, c'est l'aspect cible fantôme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en vouloir à un virus. C'est vrai. Et qu'on se retourne vers les proches, vers les collègues, vers les amis, la famille. Voilà, c'est ça. En fait, on est avec cette situation, il y a des troubles qui apparaissent chez les individus, qui sont des troubles psychologiques, somatiques parfois, des troubles comportementaux. Et il faut apprendre à se connaître pour justement éviter d'agresser les autres ou tout simplement recadrer les autres quand ils vous agressent pour maintenir des relations à peu près, je dirais, convenables dans une période très difficile. J'allais y venir. On a besoin de vous quand même pour essayer d'avoir un peu d'horizon, justement, et de ciel bleu au milieu de ces nuages. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a dit ça et qu'est-ce qu'on fait pour tenter d'aller mieux ou pour éviter de plonger? Alors, ça va vraiment dépendre du statut de la personne, parce que c'est pas du tout la même chose si vous êtes soignant. J'étais ce matin dans un hôpital, vous voyez, donc si vous êtes chef d'entreprise condamné à la faillite, si vous êtes salarié d'un grand groupe ou d'une petite PME. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est effectivement apprendre à lâcher prise. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est très angoissant, on est dans une période où on n'a pas prise sur cette situation. Et donc il faut accepter quelque part de lâcher prise et accepter de ne pas avoir le contrôle sur une partie de notre vie et voir ce fait-là, non pas comme quelque chose qui est très négatif. Bien sûr que ça peut être angoissant de lâcher prise quand on a, je dirais, une famille à nourrir, quand on a une crainte de perdre son emploi, quand on a des ressources qui sont difficiles. Mais il faut essayer de lâcher prise en considérant qu'il y a peut-être aussi des aspects positifs dans cette situation qui nous permettent de peut-être retrouver du temps pour soi, du temps pour lire, du temps pour réfléchir à notre vie, au passage sur Terre, etc. Enfin, vous voyez, donc, et prendre soin de soi, sans doute aussi, ça compte. J'inclus d'ailleurs les médias dans le cocktail qui est difficile, parce que on fait de notre mieux, mais on n'a pas de bonnes nouvelles, ou en tout cas très peu, à vous annoncer cette année. Ça participe aussi sans doute de cette atmosphère. Un tout dernier mot sur Noël. C'est un symbole, mais en l'occurrence, ça serait un facteur aggravant pour vous, l'impossibilité de voir des proches, par exemple ? Alors, Noël, les fêtes de fin d'année sont toujours des moments très importants dans la vie des individus. À la fois pour ceux qui sont seuls, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, et c'est aussi une des caractérisations de la situation, c'est qu'on rajoute de l'isolement à de la solitude qui est durement vécue. Vous voyez, donc ça, pour les gens qui sont seuls, c'est difficile. En revanche, pour les familles, pour les fratries, pour les gens, les amis qui se retrouvent, c'est une fête importante parce que c'est un moment d'échange, de partage, de ressourcement. Donc le fait de ne pas pouvoir être avec les siens, avec ses proches, c'est vraiment quelque part une très grande frustration, et ça peut conduire, en particulier chez les anciens, à des situations de désespoir, et malheureusement, peut-être que l'on va aller vers ça. J'espère qu'on pourra malgré tout permettre aux gens de fêter Noël, je n'en suis pas sûr, parce qu'effectivement, on voit bien que cette contamination multiple se poursuit, mais si on devait sacrifier cette fête, ça serait vraiment très dommageable, et on aurait des effets de risque circulaire en plus. Le fait de supprimer va accentuer les problèmes, et on aura après remonté des violences, remonté des addictions. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi une flambée des addictions. On garde ça pour une prochaine interview, parce que le sujet est éminemment important, et ce sera avec vous, Jean-Claude Elgène, fondateur du cabinet Technologia. Le suicide, un cri silencieux, c'est votre livre paru aux éditions du Cavalier Bleu. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous sur France Info.